de fées en français. Géant égoïste. Il était une fois un château qui trônait au milieu d'une ville, mais qui semblait vide depuis des années. Personne ne vivait à l'intérieur. Les gens racontaient qu'avant, un géant vivait dans ce château. Mais durant toutes ces dernières années, personne n'avait vu de géant par là-bas. Avez-vous entendu parler du géant de ce château? Je pense que ce sont des rumeurs. Il vaut mieux ne pas y croire. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a déjà vu un géant par ici? Non, non, non! On devrait plutôt profiter de la beauté de cet endroit plutôt que de prêter attention à ce genre de rumeurs. Mais qui entretient ce beau jardin alors? Il y avait un superbe jardin autour du château. Il était rempli de fleurs, d'arbustes, de fruits, d'oiseaux et de papillons. Tous les jours, plein d'enfants venaient jouer dans ce jardin. C'était l'endroit le plus sûr et le plus apprécié des enfants. Ils jouaient tous ensemble à différents jeux. Courir après les papillons était un de leurs jeux préférés. Hé, regarde le papillon orange! Je vais essayer de l'attraper! Yeah! Cours après lui, mais s'il te plaît, lui fais pas de mal! Non, bien entendu! Le jardin était aussi beau que le paradis. Et un jour enfin, le géant arriva. Il était content de voir le beau jardin si bien entretenu. Ah, mon beau jardin! Il semble bien qu'il soit toujours béni par notre mère nature. Je suis bien heureux d'être de retour. C'était déjà l'après-midi lorsque le géant retourna au château. Il n'y avait pas d'enfants qui jouaient dans le jardin à cette heure-ci. Et le géant apprécia sa tranquillité. Mais alors, quand vint la nuit, le géant fut soudain dérangé par du bruit dehors. Les enfants étaient venus pour jouer. Le géant aimait bien vivre tout seul. Il n'aimait pas trop avoir du monde autour de lui. Il décida de sortir dans le jardin. Quand le géant sortit du jardin, les enfants qui y jouaient eurent peur. Ils se mirent à hurler et à courir dans tous les sens. Ils cherchaient tous à s'échapper. Le géant était très en colère de voir autant d'enfants jouer là-bas. Allez-vous-en, petit monstre! Vous allez abîmer mon joli jardin! Dehors! Et n'essayez plus jamais de rentrer sur mon domaine! C'est mon jardin, pas le vôtre! Tous les enfants qui jouaient là-bas se dépêchèrent de quitter le jardin et rentrèrent chez eux. Le géant retourna dans son château et profita de la paix autour de lui. Le géant se rendormit. Les enfants pensèrent que le géant était parti et ils ne purent résister à l'envie de revenir au jardin. Le géant se réveilla à nouveau et trouva les enfants en train de jouer dans son jardin. Il devint furieux et cria sur les enfants. Les enfants effrayés s'enfuirent en courant. Dès lors, le géant garda toujours un œil sur son jardin. Il ne dormait même plus la nuit. Un soir tard, il vit tomber la branche d'un arbre fleuri. Il ne comprit pas tout de suite pour quelle raison. Le lendemain matin, le géant aperçut de nouveau des enfants qui jouaient dans son jardin. En colère, il courut jusqu'à eux. Les enfants furent effrayés devant la colère du géant. Le géant décida d'élever la hauteur des murs d'enceinte du château. Maintenant, le géant était tout seul dans son château. Personne ne pouvait y entrer. Le géant est très égoïste. Comment peut-on s'amuser tout seul dans ce jardin? Ça doit être une personne très triste. On devrait essayer de comprendre pourquoi il est triste. On n'a qu'à lui demander de jouer avec nous. On pourra lui proposer que lorsqu'il nous autorisera à entrer. D'habitude, le géant dormait assez tard. Quand il était éveillé, il aimait s'asseoir près de la fenêtre et regarder la beauté du jardin. Mais encore de temps en temps, il voyait une branche tomber par-ci par-là. Il pensa... On en a encore pour un moment. Mais quand le printemps sera là, mon jardin fleurira à nouveau. Il passa l'hiver à sa fenêtre, à regarder son jardin devenir de plus en plus sec chaque jour. J'attendrai le printemps. Il ravivra mon jardin et le rendra encore plus beau que jamais. Le printemps arriva et repartit. Mais pourtant, le jardin resta très sec. Il ne restait même plus une seule fleur. Ni oiseau, ni papillon. Le géant était vraiment malheureux. Pourquoi n'y a-t-il plus une fleur dans mon jardin? Pourquoi Mère Nature s'est-elle détournée de mon beau jardin? Mère Nature est en colère contre moi. Mais pourquoi serait-elle donc en colère? Le géant y pensa jour et nuit. Il finit par en avoir assez d'être seul. Un beau matin, quelques enfants se faufilèrent dans son jardin. Ils y jouèrent pendant un moment, jusqu'à ce que le géant les voie. Le géant était en colère contre eux. Il courut vers eux en criant. Tous les enfants sortirent du domaine immédiatement. Tous, sauf un. Le géant vit un petit garçon debout sous un arbre. Il tremblait comme une feuille à l'approche du géant. Il pleurait même beaucoup. Que fais-tu ici? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je reviendrai plus jamais. Est-ce que je tue les gens? Non. Je ne suis pas une mauvaise personne. Non, non, je ne tue personne. Toi non plus, je ne te tuerai pas. Ne pleure pas. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Qu'allais-tu faire juste avant que je n'arrive? Je voulais grimper à cet arbre, mais je n'y arrive pas, monsieur. Oh, vraiment? Eh bien, laisse-moi t'aider. Le géant souleva le garçon et le déposa sur la branche de l'arbre. Maintenant, fais venir tes amis. Vous pouvez jouer ici. Le géant observa le beau sourire sur le visage du petit garçon. L'enfant appela ses amis pour jouer. Les enfants arrivèrent et le géant retourna dans son château. Alors qu'il rentrait, il aperçut sur le chemin une petite plante avec quelques petites fleurs dessus. Il fut surpris, mais content aussi. Il se retourna pour voir les enfants jouer gaiement. À partir de ce jour, les enfants commencèrent à jouer dans le jardin comme avant. Et très vite alors, le jardin se remit à fleurir comme avant aussi. Le géant, assis à sa fenêtre, comprit alors où se trouvait la vraie beauté de son jardin.